pensées financières. Depuis le waguin 16 ou 18 ans, petit cœur va dans la joie sans réflexion. Parents ont réfléchi vers l'avenir. Le sort vient recevoir un petit groupe d'amour. T'as toujours là pour guider ou dans la vie. Avec tes conseils, avec tes gâteries. C'est pour demain, le roi va marier. Toi toujours connaît, puis j'en pour vivre avec Marie. Marié, moi toujours connais, qui j'en pouvais pas.